Chapitre 157e, de 3h à 6h de l'après-midi. Nous avons abandonné le château au moment où le vestibule du milieu forcé et les Suisses repoussés de marche en marche jusqu'aux appartements du roi, une voix retentit dans les chambres et dans les corridors criant « Ordre aux Suisses de poser les armes !» Ce livre est probablement le dernier que nous ferons sur cette terrible époque. À mesure que notre récit avance, nous quittons donc le terrain que nous venons de parcourir pour n'y revenir jamais. C'est ce qui nous autorise à mettre, dans tous ces détails, cette suprême journée sous les yeux de nos lecteurs. Nous en avons d'autant plus le droit que nous le faisons sans aucune prévention, sans aucune haine, sans aucun parti pris. Le lecteur est entré dans la cour royale à la suite des Marseillais. Il a suivi Billot au milieu de la flamme et de la fumée, et il l'a vu monter, avec Pitou, spectre sanglant sorti du milieu des morts, chaque marche de l'escalier au haut duquel nous les avons laissés. À partir de ce moment, les Tuileries étaient prises. Quel est le sombre génie qui avait présidé à la victoire? La colère du peuple, répondra-t-on. Oui, sans doute, mais qui dirigea cette colère? L'homme que nous avons nommé à peine, cet officier prussien marchant sur un petit cheval noir à côté du géant sans terre, et de ce colossal cheval flamand, l'Alsacien Westermann. Qu'était-ce que cet homme, qui, pareil à l'éclair, se faisait visible seulement au milieu de la tempête? Un de ces hommes que Dieu tient caché dans l'arsenal de ses colères, et qu'il ne tire de l'obscurité qu'au moment où il en a besoin, qu'à l'heure où il veut frapper. Il s'appelle Westermann, l'homme du couchant. Et en effet, il apparaît quand la royauté tombe pour ne plus se relever. Qui l'a inventé, qui l'a deviné, quel a été l'intermédiaire entre lui et Dieu? Qui a compris qu'au brasseur, géant taillé dans le bloc matériel de la chair, il fallait donner une âme pour cette lutte où les titans devaient détrôner Dieu? Qui a parfait Gérion avec Prométhée? Qui a complété Santerre avec Westermann? C'est Danton. Où le terrible tribun a-t-il été chercher ce vainqueur? Dans une sentine, dans un égout, dans une prison, à Saint-Lazare. Westermann était accusé, entendons-nous bien, pas convaincu, accusé d'avoir fait de faux billets de caisse et arrêté préventivement. Danton avait besoin, pour l'œuvre du 10 août, d'un homme qui ne put reculer parce qu'en reculant, il montait au pilori. Danton couvait du regard le mystérieux prisonnier. Au jour et à l'heure où il en eut besoin, il brisa chaînes et verrous de sa main puissante et dit au prisonnier « Viens ». La révolution consiste non seulement, comme je l'ai dit, à mettre dessus ce qui est dessous, mais encore à mettre les captifs en liberté, et en prison les gens libres. Non seulement les gens libres, mais encore les puissants de la terre, les grands, les princes, les rois. Sans doute, c'était dans sa sécurité de ce qu'allait advenir que Danton parut si engourdi pendant les fiévreuses ténèbres qui précédèrent la sanglante aurore du 10 août. Il avait dès la veille semé le vent. Il n'avait plus à s'inquiéter de rien, certain qu'il était de recueillir la tempête. Le vent, ce fut Westermann. La tempête, ce fut Santerre, cette gigantesque personnification du peuple. Santerre se montra à peine ce jour-là. Westermann fit tout, fut partout. Ce fut Westermann qui dirigea le mouvement de jonction du faubourg Saint-Marceau et du faubourg Saint-Antoine au Pont-Neuf. Ce fut Westermann qui, monté sur son petit cheval noir, apparut en tête de l'armée sous le guichet du carrousel. Ce fut Westermann qui, comme s'il s'agissait de faire ouvrir la porte d'une caserne à un régiment au bout de son étape, vint heurter de la poignée de son épée à la porte des Tuileries. Nous avons vu comment cette porte s'était ouverte, comment les Suisses avaient fait héroïquement leur devoir, comment ils avaient battu en retraite sans fuir, comment ils avaient été détruits sans être vaincus. Nous les avons suivis marche à marche dans l'escalier qu'ils couvrent de leurs morts. Suivons-les pas à pas dans les Tuileries, qu'ils vont joncher de cadavres. Au moment où l'on apprit que le roi venait de quitter le château, les 200 ou 300 gentilshommes qui étaient venus pour mourir avec le roi se réunirent dans la salle des gardes de la reine afin de se demander, si le roi n'étant plus là pour mourir avec eux, comme il s'y était solennellement engagé, il devait mourir sans lui. Alors ils décidèrent, puisque le roi était allé à l'Assemblée nationale, d'aller eux-mêmes y rejoindre le roi. Ils rallièrent tous les Suisses qu'ils purent rencontrer, une vingtaine de gardes nationaux, et au nombre de 500 descendirent vers le jardin. Le passage était fermé par une grille appelée la grille de la reine. On voulut faire sauter la serrure résista. Les plus forts se mirent à secouer un barreau et parvinrent à le briser. L'ouverture donnait passage à la troupe, mais homme à homme seulement. On était à 30 pas des bataillons postés à la grille du pont royal. Ce furent deux soldats suisses qui sortirent les premiers par les 3 passages. Tous ne furent tués avant d'avoir fait 4 pas. Tous les autres passèrent sur leurs cadavres. La troupe fut criblée de coups de fusil. Mais, comme les Suisses, avec leurs uniformes éclatants, offraient un plus facile point de mire, ce fut pour les Suisses que les balles se dirigèrent de préférence. Pour 2 gentilshommes tués et 1 blessé, 60 ou 70 Suisses tombèrent. Les 2 gentilshommes tués étaient messieurs de Castéja et de Clermont-d'Amboise. Le gentilhomme blessé était monsieur de Villaumesnil. En marchant vers l'Assemblée nationale, on passa devant un corps de garde appuyé contre la terrasse du bord de l'eau et placé sous les arbres. La garde sortit, fit feu sur les Suisses, dont 8 ou 10 tombèrent encore. Le reste de la colonne, qui en 80 pas à peu près, avait perdu 80 hommes, se dirigea vers l'escalier des Feuillants. Monsieur de Choiseul les vit de loin, et l'épée à la main, courant à eux sous le feu des canons du pont royal et du pont tournant, essaya de les rallier. « À l'Assemblée nationale » cria-t-il, et se croyant suivi par les 400 hommes qui restaient, il s'élança dans les corridors et à travers l'escalier qui conduisait à la salle des séances. À la dernière marche, il rencontra Merlin. « Que faites-vous ici, l'épée à la main, malheureux ?» lui dit le député. Monsieur de Choiseul regarda autour de lui, il était seul. « Remettez votre épée au fourreau et allez retrouver le roi, » lui dit Merlin. « Il n'y a que moi qui vous ai vu, donc personne ne vous a vu. » Qu'était devenue cette troupe dont Monsieur de Choiseul se croyait suivi? Les coups de canon et la fusillade l'avaient fait tourner sur elle-même comme un tourbillon de feuilles sèches et l'avaient poursuivi sur la terrasse de l'Orangerie. De la terrasse de l'Orangerie, les fugitifs s'élancèrent sur la place Louis XV et se dirigèrent vers le garde-meuble pour gagner les boulevards ou les Champs-Élysées. Monsieur de Villaumesnil, 8 ou 10 gentilshommes et 5 Suisses se réfugièrent à l'hôtel de l'ambassade de Vienne, situé rue Saint-Florentin, et dont ils avaient trouvé la porte ouverte. Cela était sauvé. Le reste de la colonne essayait d'atteindre les Champs-Élysées. 2 coups de canon, chargés à mitraille, partirent du pied de la statue de Louis XV et brisèrent la colonne en 3 tronçons. L'un s'enfuit par le boulevard et rencontra la gendarmerie qui arrivait avec le bataillon des Capucines. Les fugitifs se crurent sauvés. Monsieur de Villiers, ancien aide-major de gendarmerie lui-même, courut à l'un des cavaliers, les bras ouverts, en criant « À nous, mes amis !» Le cavalier tira un pistolet de ses fontes et lui brûla la cervelle. À cette vue, 30 Suisses et 1 gentilhomme, 6 devant-pages du roi, se précipitèrent dans l'hôtel de la marine. Là, on se demanda ce que l'on devait faire. Les 30 Suisses furent d'avis de se rendre, et voyant apparaître 800 culottes, déposèrent leurs fusils en criant « Vive la nation !» « Ah, traître !» dirent les 100 culottes. « Vous vous rendez parce que vous vous voyez pris. Vous criez « Vive la nation !» parce que vous croyez que ce cri vous sauvera. Non, pas de quartier !» Et en même temps, 2 Suisses tombent, l'un frappé d'un coup de pique, l'autre d'un coup de fusil. Aussitôt, leur tête est coupée et mise au bout d'une pique. Les Suisses, furieux de la mort de 2 de leurs camarades, ressaisissent leurs fusils et font feu tous à la fois. 700 culottes sur 8 tombent morts ou blessés. Les Suisses s'élancent alors sous la grande porte pour se sauver et se trouvent face à face avec la bouche d'un canon. Ils reculent. Le canon avance. Tous se groupent dans un angle de la cour. Le canon pivote, tourne sa gueule de leur côté et fait feu. 23 sont tués sur 28. Par bonheur, presque en même temps, et au moment où la fumée aveugle ceux qui viennent de faire feu, une porte s'ouvre derrière les 5 Suisses qui restent et l'expage du roi. Tous 6 se précipitent par cette porte qui se referme. Les patriotes n'ont pas vu cette espèce de trappe anglaise qui leur a dérobé les survivants. Ils croient avoir tout tué et s'éloignent en traînant leurs pièces de canon avec des cris de triomphe. Le 2e tronçon se composait d'une 30aine de soldats et de gentilshommes. Ils étaient commandés par M. Forestier de Saint-Venant. Cernés de tous côtés à l'entrée des Champs-Élysées, le chef voulut au moins faire payer sa mort. À la tête de ces 30 hommes, lui, l'épée à la main, eux, la baïonnette au bout du fusil, il chargea 3 fois tout un bataillon massé au pied de la statue. Dans ces 3 charges, il perdit 15 hommes. Avec les 15 autres, il essaya de passer à travers une éclaircie et de gagner les Champs-Élysées. Une décharge de mousqueterie lui tua 8 hommes. Les 7 autres se dispersèrent et furent poursuivis et sabrés par la gendarmerie. Monsieur de Saint-Venant allait trouver un refuge dans le café des ambassadeurs quand un gendarme mit son cheval au galop, franchit le fossé qui séparait la promenade de la grande route et d'un coup de pistolet brisa les reins du malheureux commandant. Le troisième tronçon, composé de 60 hommes, avait atteint les Champs-Élysées et se dirigeait vers Courbevoie par cet instinct qui fait que les pigeons se dirigent vers le colombier, les moutons vers la bergerie. À Courbevoie étaient les casernes. Enveloppés par la gendarmerie à cheval et par le peuple, ils furent conduits à l'hôtel de ville, où l'on espérait les mettre en sûreté. 2 ou 3 000 furieux, entassés sur la place de Grève, les arrachèrent à leur escorte et les massacrèrent. Un jeune gentilhomme, le chevalier Charles d'Autichan, fuyait du château par la rue de l'Échelle, un pistolet dans chaque main. 2 hommes essayent de l'arrêter. Il les tue tous les 2. La police s'empare de lui et l'entraîne jusqu'à la Grève pour l'y exécuter solennellement. Mais, heureusement, elle oublie de le fouiller. À la place de ces 2 pistolets inutiles qu'il a jetés, un couteau lui reste. Il l'ouvre dans sa poche, attendant l'instant de s'en servir. Au moment où il arrive sur la place de l'hôtel de ville, on y égorge les 60 Suisses qu'on vient d'amener. Ce spectacle distrait ceux qui le gardent. Il tue ses 2 plus proches voisins de 2 coups de couteau, puis se glisse dans la foule comme un serpent et disparaît. Les 100 hommes qui ont conduit le roi à l'Assemblée nationale et qui, réfugiés au Feuillant, y ont été désarmés, les 500 dont nous avons raconté l'histoire, quelques fugitifs isolés comme M. Charles d'Autichan, que nous venons de voir échapper à la mort avec tant de bonheur, sont les seuls qui ont quitté le château. Le reste s'est fait tuer sous le vestibule, dans les escaliers, sur le palier, ou a été égorgé soit dans les appartements, soit dans la chapelle. 900 cadavres de Suisses ou de gentilshommes jonchent l'intérieur des Tuileries.